l'enfant perdu de cette vaste étendue où l'avenir tendu défrise les parvenus. Le temps de la révolte montre le bout de son nez. La société visée affronte le désinvol. L'envol d'un papillon alimente les titrons de notre balcon. Le roi c'est le pognon. Le temps de la récolte moissonné en été ne peut pas supplanter l'archange de la révolte. Point d'être un agité, plutôt un passionné. Tant de pestiférés veulent nous accompagner. L'attention nous survole, elle ne peut s'évacuer. Le car cher comme un colt est prêt à nous tuer. L'espérance associée aux larmes déjà versées voit notre destinée telle une toile d'araignée. Je suis l'adulte perdu dans cette triste revue où l'acide répandu corrode les avenues. Et rire des autres à l'école, marcher droit à l'armée, survivre en métropole, se sentir cadencé. Ah, je suis enfant perdu de cette vaste étendue où l'avenir tendu défrise les parvenus. Le temps de la révolte montre le bout de son nez. La société visée et tout son désaccord.